C'est un texte qui s'appelle « Ma tête, mon cœur et mes couilles ». Est-ce qu'il y en a quand même quatre qui ne le connaissent pas ? Merci. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme trois leaders qui essaient d'imposer leur loi. Cette lutte interne permanente est la plus grosse source d'embrouille. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles. Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous, si un jour on est des agneaux et que le lendemain on est des loups. C'est à cause de ce combat qui s'agite dans notre corps. La tête, le cœur, les couilles discutent, mais ils sont jamais d'accord. Mon cœur est une vraie éponge toujours prêt à s'ouvrir, mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune, mais il y en a une qui veut pas, putain ma tête me casse les burnes. Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disaient à ma tête qu'elle a pas de cœur et comme mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas prête d'avoir peur. Moi mes couilles sont tête en l'air et ont un cœur d'artichaut. Et quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien au chaud. Et si ma tête part en couille, pour mon cœur c'est la défaite. Je connais cette histoire par cœur, elle n'a ni queue ni tête. Moi les femmes je les crains, autant que je suis fou d'elles. Vous comprenez maintenant pourquoi chez moi c'est un sacré bordel. J'ai pas trouvé la solution, ça fait un moment que je fouille. Je resterai sous le contrôle, ma tête, mon cœur et mes couilles. Et c'est la pause, on se retrouve dans 10 minutes, merci beaucoup.